Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 34 dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahidin, qui est le sharh de Kitab al-Tawhid du petit-fils de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc à l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois, l'explication du verset que le Cheikh a mentionné pour expliquer la signification du tawhid, de la ilaha illallah, et c'est-à-dire le verset 62 dans sourate al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن وعليكم السلام ورحمة الله وأن الله هو العلي الكبير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset ce qui signifie, yani que ceci, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et que Allah est certes le très grand, le très haut, le très grand. Donc ça, c'est un verset qui nous explique ou qui nous aide à comprendre la signification du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. Donc maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il fait un petit commentaire ici. Il dit: Hadihi l'aya, tafsir la ilaha illallah. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, ma'na illallah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, hadha ma'na la ilaha. Fahiya fassarat la ilaha illallah tamaman. Donc il explique que dans ce verset, verset 62 dans sourate al-Hajj, la partie où Allah dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, ceci c'est parce que Allah est certes la vérité, c'est lui qui est la vérité. Ça a le même sens, hein, ce verset ou cette partie du verset a la même signification que la partie du témoignage de illallah. Hein, c'est l'affirmation. Et wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et bien ça a la même signification que la ilah, c'est-à-dire la négation, hein, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, parce que tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est le faux. Et ça, c'est donc exactement l'interprétation de la ilaha illallah. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit: فَإِلَهِيَّتُهُ تَعَالَى هِيَ الْحَقِّ وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْآلِهَةِ فَإِلَهِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ونظائرها كما في هذه الآية ونظائرها فهي كلمة عظيمة وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض ولأجلها جردت سيوف الجهاد وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Donc le cheikh il explique, cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit, donc la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le droit exclusif d'Allah d'être adoré, ça c'est la vérité. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les divinités, eh bien elles sont fausses. Et il dit ensuite que c'est dans ce verset, de même que dans d'autres versets qui sont semblables, on retrouve cette explication là et ce sens là qui est l'explication du témoignage de la ilaha illallah. Donc il dit que cette parole est une parole immense, une parole extrêmement importante, et c'est l'anse la plus solide, et c'est la parole de piété, hein, et c'est la parole de pureté, et c'est la parole par laquelle les cieux et la terre ont été établis, et également tout ce qui est dans la sunna, tout ce qui est obligatoire et recommandé dans la religion a été uniquement légiféré pour compléter la signification de cette parole. Et c'est pour cette parole également que les épées du djihad ont été dégainées. Et c'est par cette parole également que vient qu'apparaît la distinction et la différence entre l'obéissant de celui qui est désobéissant parmi les serviteurs. Et quiconque dit cette parole et la met en pratique avec sincérité, avec pureté, hein, avec acceptation, avec amour et avec soumission, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Et le cheikh, donc maintenant, cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il va faire des petits commentaires sur chacun de ces différentes phrases que le cheikh Abdurrahman ibn Hassan a mentionné. Et il dit, premièrement, par rapport à cette parole, il dit cette parole est une parole extrêmement importante, c'est l'anse la plus solide, la parole de piété et la parole d'ikhlas, la parole de la taqwa, hein, la piété, et à l'ikhlas, la sincérité, la pureté. Et le cheikh explique ça en disant هي العروة الوثقى التي قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهي كلمة التقوى كما قال تعالى في الصحابة رضي الله عنهم وألزمهم كلمة التقوى يعني لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Donc le cheikh il dit que c'est la parole de, hein, de l'anse, cette parole c'est l'anse la plus solide. Et il fait référence donc au verset 256 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque renie le tarot et croit en Allah, alors il s'est certes accroché à l'anse la plus solide. Et le cheikh explique donc que ce verset, alors quiconque a renié le tarot et a cru en Allah, que cette expression-là ou cette parole-là dans le Coran, elle vient paraphraser le même sens et la même signification que le témoignage de la ilaha illallah. Parce que la ilaha, ça équivaut à renier le tarot. La ilaha, c'est-à-dire que il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Hein? Donc il faut renier le tarot. Et le tarot, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça équivaut à la ilaha, hein? Puisque c'est comme si tu dis il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Et l'autre partie du verset wa yu'min billah, ça c'est l'affirmation que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré, et donc de croire en Allah. Et donc on voit que ce verset a le sens donc complet du témoignage de la foi et de la ilaha illallah. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, en voulant dire que celui qui a dit la ilaha illallah, hein, eh bien il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. C'est pour ça qu'on dit de la parole de la ilaha illallah que c'est l'anse la plus solide. Il dit وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوَى, hein, c'est la parole de taqwa. Taqwa c'est yani, le fait de se préserver du châtiment d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. Donc cette parole de la ilaha illallah, c'est cette parole de protection en réalité. Et c'est la protection contre le châtiment d'Allah. Et dans le verset que le Cheikh a cité, qui est le verset 26 dans Surat al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il parle des Sahaba. Et il dit وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Et كَلِمَةُ التَّقْوَى, la parole de piété, c'est la parole de la ilaha illallah. Donc dans ce verset, qui est le verset 26 dans Surat al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, il leur obligea une parole de piété. Cette parole de piété, c'est la parole de la ilaha illallah. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Et c'est ceux qui l'ont le plus mérité, et ils ont été les gens qui ont adhéré et qui ont été justes envers cette parole-là, qui l'ont mis en pratique et qui l'ont appliqué de façon fidèle et honnête. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Donc ils étaient les plus dignes et les plus proches, hein, les plus méritants. Et le cheikh, il explique ensuite, وَهِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ لِأَنَّهَا أَخْلَصَتِ التَّوْحِيدِ لِلَّهِ وَأَبْطَلَتِ الشِّرْكِ وَهَذِهِ أَسْمَى لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ كَلِمَةُ التَّقْوَى. Donc tous ces titres-là sont des noms de cette parole, comme l'exemple ici, Kalimatul Ikhlas, la parole de pureté. Parce que cette parole, elle purifie l'unicité d'Allah, hein, elle purifie l'adoration pour Allah seul, et elle rend vaine et elle annule toute adoration qui serait vouée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle vient annuler et détruire le shirk. C'est pour ça que c'est la parole de pureté. Et donc ça, c'est les grands noms parmi les noms de ce témoignage de la ilaha illallah. Donc on peut l'appeler la parole du tawhid, la parole de la sincérité, de la pureté, la parole de piété, et aussi l'anse la plus solide. Ensuite, le shaykh, il explique par rapport au point suivant que le cheikh a mentionné, c'est que les cieux et la terre ont été établis sur cette parole, la parole de la ilaha illallah. Et cheikh al-Fawzan explique à ce sujet, il dit as-samawat wal-ard qamat bit-tawhid walau fuqida at-tawhid fi as-samawat wal-ard la kharibat wa fuqidat هذه الكلمة قامت القيامة وفقدت هذه الكلمة قامت القيامة فلا تقوم الساعة فلا تقوم الساعة في وفي الأرض من يقول الله الله لا تقوم إلا على أشرار الخلق أو شرار الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. Ok, juste un point, je voulais te demander, est-ce que toi tu parce que on a commencé, je sais que tu peut-être tu étais au courant parce que tu as suivi, mais on a commencé des cours d'arabe le lundi, le vendredi et le lundi. Je sais pas si toi tu étais intéressé à assister à ces cours-là dans l'avenir ou bien non. Parce que c'est pour les débutants. Alors si tu as envie de commencer là, ben t'es bienvenu. Hein? C'est juste pour te dire. Ouais. C'est-à-dire toi, tu connais l'alphabet, tu sais lire. Non mais les lettres. Ah ok. Donc toi, t'es à un niveau encore. Ben il y a des frères qui vont t'aider si tu veux pour l'alphabet et tout ça. Ouais. C'est, moi, je t'encourage franchement ça. C'est-à-dire en français, qu'est-ce que tu veux dire? En français? Tu fais des erreurs? Ouais. Mais ça c'est-à-dire que, disons que ça veut pas dire que tu fais des erreurs en français que tu vas faire des erreurs en arabe. Et puis en même temps, bon, c'est deux langues différentes. Des fois, c'est plus facile de comprendre ou de maîtriser, disons, une langue seconde que notre langue maternelle. Oui, pourquoi? Parce que notre langue maternelle, on a des fois, parce que, étant donné que c'est notre langue maternelle, on la parle depuis la naissance, on ne réfléchit pas aux règles nécessairement. Voilà, on ne comprend pas nécessairement les règles directement. Mais par contre, quand on apprend une seconde langue, là, quand on comprend la grammaire, moi je vais te dire la vérité, franchement. Quand j'ai appris la grammaire arabe, c'est ça qui m'a aidé à comprendre un peu mieux la grammaire française. Pourquoi? Parce que j'ai été capable de faire des parallèles et des liens entre les deux par la suite. Tandis qu'auparavant, j'apprenais la grammaire française, mais quand j'étais au primaire, à l'école, puis au secondaire. Mais disons que j'apprenais les choses, mais je les saisissais pas aussi clairement puis profondément que lorsque j'ai appris une grammaire d'une autre langue. Mais moi, je te dis, il ne faut pas que ce soit une barrière ou que ça t'empêche de vouloir apprendre l'arabe, parce que c'est une langue différente. Et la grammaire n'est pas pareille. Oui. Bismillah. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Ici, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que la parole de la ilaha illallah, c'est la parole du tawhid, et c'est la parole sur laquelle est établi les cieux et la terre. Subhanallah. Et le cheikh explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit que ça veut dire que si le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah et l'adoration exclusive d'Allah, était perdue sur la terre, eh bien les cieux et la terre seraient détruits. Les cieux et la terre ne resteraient plus. Hein? Et il explique, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. S'il y avait dans les cieux et sur la terre, s'il y avait une autre divinité autre que Allah, eh bien les cieux et la terre seraient détruits, seraient corrompus. Il dit, et c'est ça qui va arriver à la fin des temps, lorsque la parole de la ilaha illallah va être perdue et que les gens vont cesser de la mettre en pratique, eh bien, l'heure du jugement dernier va être établie. C'est à ce moment-là que le jugement dernier va commencer. Et le cheikh explique que, il dit, l'heure ne viendra que lorsque il n'y aura même pas sur terre quelqu'un qui dit le nom d'Allah. C'est-à-dire, quand l'heure du jugement dernier va arriver, c'est au moment où sur terre il n'y aura plus personne même pour dire le nom d'Allah. Donc c'est-à-dire il n'y aura même pas quelqu'un qui va dire Allah ou prononcer le nom d'Allah. Et l'heure ne sera établie que sur les pires des créatures. C'est-à-dire, si les gens ils pensent qu'aujourd'hui les gens sont mauvais, eh bien ça c'est rien. Il y aura un moment où les gens seront plus mauvais que ça et pires que ça encore. Et c'est des gens qui ne croiront pas, ils ne vont même pas mentionner le nom d'Allah, ils ne vont pas croire au tawhid, ils ne croiront plus à rien. Et les gens, ces gens-là seront les pires créatures. Et c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Ibn Hibban. Et il est authentifié par Cheikh Al-Albani. Il dit, l'heure ne sera pas établie. Les pires hommes sont ceux qui vont être présents lorsque l'heure du jugement va être établie et qu'ils seront vivants à ce moment-là. Et ceux également, et les pires hommes sont également ceux qui prennent les tombes comme des lieux de culte ou les lieux des lieux d'adoration. Donc c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les pires hommes sont ceux qui vont être vivants lorsqu'il y aura l'heure du jugement dernier, qui vont être vivants à ce moment-là, Et également, les pires hommes sont ceux qui prennent les tombes comme lieu d'adoration. Ensuite, le passage suivant, il dit dans le verset Wali ajliha jurridat suyuful jihad. C'est-à-dire que c'est pour la parole de la ilaha illallah que les épées du jihad ont été dégainées. Le cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant shuri'at li tahqiqiha al-ibadat al-mafrouda wal-masnouna. Ah non, ça c'est le passage suivant. Donc le passage avant wa shuri'at li takmiliha as-sunna wal-fard. C'est-à-dire que les actes surérogatoires et les actes obligatoires ont été légiférés pour compléter le sens et la signification de la ilaha illallah. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant وَشُرِعَتْ لِتَحْقِيقِهَا الْعِبَادَاتَ الْمَفْرُوضَةَ وَالْعِبَادَاتَ الْمَسْنُونَةَ فَهَذِهِ الْعِبَادَاتِ هِيَ مُقْتَضَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا تَصِحُّ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا إلا بلا إله إلا الله. Donc les actes obligatoires et les actes surérogatoires parmi les adorations ont été légiférés pour concrétiser et réaliser la signification de la ilaha illallah. Et ces adorations-là sont l'implication de ce témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et toutes les œuvres qu'on peut faire ne peuvent être acceptées et ne peuvent être valides que si elles sont en accord avec la ilaha illallah, que ce soit des actes obligatoires ou surérogatoires ou recommandés. Ensuite, il explique l'autre phrase que j'avais mentionnée, c'est-à-dire que c'est pour cette parole de la ilaha illallah que les épées du jihad ont été dégainées. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là أي لأجلها جردت سيوف الجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له وهو معنى لا إله إلا الله ولهذا قال سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وجب على المسلمين قتالهم حتى يقولوها فالجهاد ما شرع من أجل الطمع في الممالك أو الأموال أو توسيع السلطة أو السيطرة على الناس ما شرع إلا لنشر التوحيد وإعلاء كلمة الله في الأرض وإزالة الشرك والكفر وعبادة الله وحده لا شريك له ومن لم يكن قصده هذا فليس هو في سبيل الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رئاء فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Donc le cheikh il dit que c'est pour cette parole de la ilaha illallah que les épées ont été sorties dans le sentier d'Allah, pour que Allah soit adoré seul et sans associé, sans partenaire. Et c'est là la signification de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et il dit que s'ils refusent donc de dire la ilaha illallah, il est obligatoire aux musulmans de les combattre jusqu'à ce qu'ils le disent. Et il dit que le djihad n'a pas été légiféré dans le but d'obtenir des choses qu'on convoite parmi les biens de la dunya et les propriétés, ou pour augmenter notre pouvoir et notre autorité sur les gens ou dans le monde. Il n'a pas non plus été légiféré pour les choses de la dunya. Il a été légiféré uniquement pour la propagation du tawhid et pour élever la parole d'Allah sur terre et pour éliminer le shirk et le kufr. Donc, il a été légiféré pour l'adoration d'Allah seul, sans associé et sans partenaire, et celui dont l'intention, dans le combat qu'il fait, si son intention c'est pas ça, alors c'est pas un jihad fi sabilillah. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas un jihad fi sabilillah. Et même qu'on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos d'un homme qui combat par fierté, ou qui combat pour montrer son courage, ou qui combat par ostentation pour se montrer, lequel d'entre ces exemples est dans le sentier d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Ok. Et ensuite, le Cheikh, il explique, il dit: وَبِهَا ظَهَرَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُطِيعِ وَالْعَاصِي مِنَ الْعِبَادِ. C'est-à-dire que c'est par cette parole que devient apparente la différence entre l'obéissant et le désobéissant parmi les serviteurs. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit: وَبِهَا ظَهَرَ الْفَرْقِ بَيْنَ عِبَادِ اللَّهِ وعباد الشيطان فالذين عبدوا الله وحده لا شريك له هم عباد الرحمن والذين أشركوا مع الله غيره واتبعوا أهواءهم هم عباد الشيطان. Donc le cheikh il dit, نعم, il dit: c'est par cette parole de la ilaha illallah que devient apparente la différence entre les serviteurs d'Allah et les serviteurs du shaitan. Ceux qui adorent Allah et ceux qui adorent le shaitan. Parce que ceux qui adorent Allah lui seul, sans partenaire, ce sont les serviteurs du tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah. Tandis que ceux qui font le shirk avec Allah et qui adorent d'autres que lui, et qui suivent leur passion, ceux-là sont les adorateurs du shaytan. Ensuite, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a dit: فَمَنْ قَالَهَا وَعَمِلَ بِهَا صِدْقًا وَإِخْلَاصًا وَقَبُولًا وَمَحَبَّةً وَإِنْقِيَادًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. Donc le Cheikh dit: quiconque dit cette parole de la ilaha illallah et qui la met en pratique et en application avec sincérité, avec véracité, avec pureté d'intention, avec acceptation, avec amour et avec soumission, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet: من قالها لا بد من القول وعمل بها ما يكفي القول بلا عمل لا بد من العمل ولا يمكن العمل إلا بمعرفة المعنى أي معنى لا إله إلا الله فلا بد من النطق بها باللسان فلا بد من النطق بها باللسان ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها صدقا وإخلاصا ولا بد من الصدق والإخلاص في العمل. الصدق ينفي النفاق. الصدق ينفي النفاق لأن المنافق يقول لا إله إلا الله لكن ليس صادقا في قولها. والإخلاص ينفي الشرك لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله من الأصنام والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين. هؤلاء لم يخلصوا العبادة لله فلم تنفعهم لا إله إلا الله وقبولا وقبولا لما تدل عليه فيتقبله في قلبه ولا يكرهه ويتقبل ما تدل عليه هذه الكلمة ولا يكرهه أو يستثقله ومحبة كذلك يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويعادي أعداءها وانقيادا كذلك ينقاد لما تدل عليه هذه الكلمة أما إذا فعله من غير انقياد وإنما هو مجاملة أو لهوى أو لغرض آخر فعمله لا ينفعه فلا بد أن يكون عمله عن انقياد واستسلام لله عن انقياد واستسلام لله سبحانه وتعالى فهذه هي شروط لا إله إلا الله سبعة شروط جمعها الناظم بقوله علم يقين إخلاص صدق كمع محبة وانقياد والقبول لها العلم ينفي donc on va traduire jusqu'ici hein puis après on va continuer donc le cheikh ici Cheikh Al-Fawzan, il fait un résumé en fait des conditions de la ilaha illallah. Donc il explique que celui qui dit la ilaha illallah, il faut absolument qu'il dise cette parole et qu'il ne faut pas juste hein, que ce soit dans son cœur. Il faut que ce soit quelque chose qu'il dise et qu'il prononce. Et ensuite, il doit l'appliquer, c'est-à-dire il doit le pratiquer, mettre en pratique. C'est pas suffisant juste de prononcer cette parole. Il faut la mettre en pratique. Hein? Et il n'est pas possible de la mettre en pratique, cette parole, excepté si on a la connaissance de sa signification. C'est-à-dire la connaissance de la signification de la ilaha illallah. Donc l'ilm, la connaissance, ça c'est fondamental. Puis il faut la prononcer avec la langue, connaître sa signification et mettre yani, son implication en pratique avec sincérité, avec pureté dans l'intention. Donc il faut absolument être véridique et avoir la sincérité dans l'action. Et la sincérité, ou plutôt la véracité, c'est le contraire de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie en arabe c'est an-nifaq. Et ceux qui sont hypocrites en arabe, on les appelle les munafiqoun. Donc al-munafiq c'est le singulier, munafiqoun c'est le pluriel. Et le munafiq, il dit la ilaha illallah, sauf qu'il n'est pas sincère dans son cœur, il n'est pas véridique lorsqu'il l'a dit. Non. Ben, appliquer la ilaha illallah dans les actions, ça veut dire que tu vas pas adorer d'autre que Allah. Tu vas pas prier à une tombe ou à un mort ou à un saint ou à une idole ou à quoi que ce soit d'autre. C'est ça que ça veut dire mettre en pratique la ilaha illallah. C'est-à-dire de pas faire de shirk, hein, et d'adorer Allah seul et de lui obéir. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, le cheikh, il dit donc c'est ça, que l'hypocrite, il dit la ilaha illallah, mais il n'est pas sincère quand il l'a dit. Et al-ikhlas, c'est quoi la différence avec as-sidq et al-ikhlas? As-sidq, c'est d'être véridique, de dire la ilaha illallah et d'être véridique quand on le dit, c'est-à-dire de ne pas être hypocrite. Maintenant, al-ikhlas, c'est yani, d'être sincère et pur dans notre adoration. Quand on adore Allah, on doit l'adorer sans qu'il y ait de shirk dans nos actions. C'est-à-dire que tu dis la ilaha illallah, parce qu'il y a des gens qui disent la ilaha illallah, mais ils font du shirk en même temps. Comme par exemple, ils disent la ilaha illallah, puis ils vont invoquer d'autres que Allah, comme les idoles, les statues, ou bien les tombes, les tombeaux, les saints, les hommes pieux, ils les adorent en dehors d'Allah. Donc ces gens-là, eux, n'ont pas appliqué la pureté, la purification de leurs adorations pour Allah seul. Alors la parole de la ilaha illallah ne sera d'aucune utilité pour eux, puisqu'ils n'ont pas l'ikhlas. Et une autre des conditions de la ilaha illallah, c'est al-qaboul, l'acceptation. Et il explique, le cheikh, que tu dois accepter tout ce qui est impliqué par cette parole de la ilaha illallah. Et tu l'acceptes dans ton cœur et tu ne dois pas la détester, quoi que ce soit de ce qui est impliqué par ce témoignage. Et yani, tu acceptes tout ce qui est impliqué, tout ce qui est indiqué par cette parole, et tu ne le détestes pas ou tu ne le trouves pas trop exagéré ou trop lourd. Ensuite, le cheikh il dit wa mahabbatan, yani avec l'amour. Tu dois aimer cette parole. C'est pas juste de l'appliquer comme ça puis faire qu'est-ce que Allah te dit juste comme ça, hein, sans l'aimer. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils font quelque chose, hein, ils font qu'est-ce que Allah leur ordonne, mais peut-être que ils le font, yani, mais au fond d'eux-mêmes, ils l'aiment pas, hein. Donc ça, c'est pas suffisant. Il faut l'aimer, hein. C'est comme par exemple, des fois tu vas travailler, tu fais tu vas travailler, mais t'aimes pas ça. Hein, tu le fais parce que t'as pas le choix. Mais l'adoration d'Allah, tu dois faire l'adoration et tu dois l'aimer, cette adoration-là. Tu dois aimer la ilaha illallah, hein, et tu dois aimer qu'est-ce que ça signifie, et tu dois aimer les gens qui disent la ilaha illallah et qui le pratiquent, et tu dois détester les ennemis de la ilaha illallah. C'est ça que ça veut dire, l'amour de la ilaha illallah. Tu dois aimer Allah, tu dois aimer l'adoration d'Allah, tu dois aimer ceux qui aiment Allah et tu dois détester ceux qui détestent Allah. Wa l'inqiyad, la soumission à cette parole. Tu dois te soumettre. Et ça, c'est qu'est-ce qui est impliqué par cette parole aussi. Hein? Il dit, yani, celui qui dit la ilaha illallah, mais il ne se soumet pas à cette parole, eh bien, yani, ça veut dire que il est soumis à sa passion, il est soumis à d'autres choses, et il n'est pas soumis à Allah. Hein? Ou bien il fait les choses juste, yani, pour faire plaisir à d'autres personnes, pas pour se soumettre à Allah. Donc dans ce cas-là, son action ne sera pas bénéfique pour lui, il ne sera pas profitable pour lui. Il faut vraiment que son action, il le fasse avec soumission pour Allah. Hein? Et donc ça fait partie des significations du témoignage de la ilaha illallah et de ses conditions, qui sont de sept conditions, et qui ont été résumées dans le poème d'un des ulama qui les a mis en forme de poème, les sept qu'il mentionne dans un vers de poésie. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Ça veut dire la science, la certitude, la pureté, la véracité, l'amour, la soumission et l'acceptation. Donc ça fait 8 en réalité, hein, 1 2 3 4 5 6 7, non c'est ça, 5 6 7, c'est moi qui a mal compté. Oui, c'est ça. 1 2 3 donc ilm, yaqin, ikhlas, sidq, mahabba, inqiyad, qabul, ça fait 7. Et le cheikh il explique, il dit al ilm yanfi al jahl, donc la science elle vient nier l'ignorance, ou opposé, elle est le contraire de l'ignorance. Wa al-yaqinu yanfi al-shak, donc la certitude pour contredire ou le contraire du doute, donc la certitude qui est le contraire du doute. Wa al-ikhlasu yanfi al-shirk, donc al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté qui est le contraire du shirk. Et al-sidqu yanfi al-nifaq, donc la véracité qui est le contraire de l'hypocrisie. Wa al-mahabbatu tanfi al-karahiyya, yani karahiyatu hadhihi al-kalima aw karahiyatu ahliha. Donc, l'amour qui vient en opposition ou qui contredit le fait de détester ou de pas aimer cette parole ou de pas aimer les gens qui croient en cette parole. والانقياد ينفي الذي يفعل العبادات من غير رغبة فيها. Donc, par rapport à le fait d'aimer, par exemple, tu dis, tu dois aimer ceux qui aiment le tawhid. Si, par exemple, parmi les musulmans, un musulman, par exemple, qui te fait du mal, qui te fait une injustice, c'est sûr que tu vas détester qu'est-ce qu'il t'a fait. Mais, du moment que c'est un croyant, c'est un musulman, tu l'aimes pour la ilaha illallah, parce que c'est un croyant, c'est un muwahid. Il est sur le tawhid, donc tu l'aimes pour son tawhid. Sauf que tu détestes l'action qu'il fait qui n'est pas correcte et l'injustice qu'il fait. Après, le cheikh, il dit... Oui, exactement. L'amour, c'est dans le sens de al-wala wal-bara, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit donc que... وَلِنْقِيَادُ يَنْفِ الَّذِي يَفْعَلُ الْعِبَادَاتِ يفعل العبادات من غير رغبة فيها. Donc al-inqiyad, c'est-à-dire la soumission, ça vient opposer ou c'est le contraire de celui qui fait des actes d'adoration mais sans les désirer ou sans les vouloir. Donc al-inqiyad, c'est le fait de faire les actes d'adoration, de soumettre à Allah en faisant les actes d'adoration, c'est-à-dire tu les fais et tu aimes, hein, tu aimes le faire et tu désires les faire et tu es content de les faire. Et al-qaboul, c'est l'acceptation, hein, de tout ce qui est impliqué, de tout ce qui est indiqué par le témoignage de la ilaha illallah. Il dit fala yaruddu, je sens comme une odeur de fumée, pas de fumée mais OK, bismillah. Donc où en étions-nous? نعم فلا يرد شيئا القبول القبول لما تدل عليه فلا يرد شيئا مما شرعه الله ورسوله بل يتقبل ويسلم لما شرعه الله ورسوله. Donc le qaboul, c'est-à-dire l'acceptation, c'est-à-dire tu vas rien rejeter de ce que Allah a légiféré ainsi que son messager et tu vas l'accepter en te soumettant à ce que Allah a légiféré ainsi que son messager. Amma alladhi 'indahu tashakkuk fi ba'd al-'ibadat aw ba'd al-awamir aw ba'd an-nawahi aw istithqal laha fa hadha yufqidu shartan min shurut la ilaha illallah. Donc le cheikh, il dit tandis que celui qui a des doutes ou qui a des doutes dans certaines adorations ou certains ordres d'Allah ou de son messager, ou certaines interdictions, ou qui considère que c'est trop lourd, hein? Alors il dit, celui-là, il a manqué une des conditions, parmi les conditions de la ilaha illallah. Et il dit, وبعض المشايخ زادوا شرطا ثامنا وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أوليها. الشيخ أتاك كيف وذكره الشيخ ابن باز مع البيت الذي قاله في كتابه تحفة الإخوان من أجوبة مهمة تعلق تتعلق بأركان الإسلام. Oui, donc le cheikh il mentionne qu'il y a une condition que certains ulama ont rajouté, et il dit que ils ont rajouté, c'est ça, ils ont rajouté une huitième condition, et cette huitième condition c'est al-kufr bit-tahout. Al-kufr bit-tahout, c'est-à-dire le fait de renier le tahout. Il dit وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أوليها. Et certains ulama l'ont rajouté, cette huitième condition là, c'est juste pour clarifier, parce que en réalité elle est impliquée déjà par la condition de l'ikhlas. La condition de la pureté implique que tu dois renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Et donc, le fait de rajouter une huitième condition pour dire al-kufr bit-tahout, c'est un ajout de clarification. Ou bien, disons, c'est pour clarifier un peu plus la signification qui est mentionnée dans ces conditions-là. Sinon, si on se limite à sept, on considère que la condition de l'ikhlas implique cette huitième condition-là. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, hein, Allah dit, donc quiconque renie le ta'arut, c'est une condition, hein, pour la compréhension de la ilaha illallah. Ok. Donc, celui qui a appliqué ces conditions-là, qui a dit la ilaha illallah en respectant ces conditions-là, il entrera au paradis avec ce qu'il avait comme action. Le shaykh, il dit, يعني كما سبق في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه على ما كان من العمل ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فإن الذنوب لا تمنعه من دخول الجنة إما من أول وهلة وإما بعد أن يعذب بذنوبه فيدخل الجنة بعد ذلك. Donc le cheikh dit, comme on a déjà expliqué par rapport au hadith de Ubadat ibn Samit, hein, quand on a mentionné à la fin de ce hadith-là, qu'il rentre au paradis avec ce qu'il avait comme action. Et il dit donc que si la personne avait des péchés qui sont moindres que le shirk, hein, eh bien, ces péchés-là ne vont pas l'empêcher d'entrer au paradis. C'est-à-dire qu'il va rentrer au paradis, mais c'est peut-être pas du premier coup. Donc le shirk, il dit, soit il va rentrer du premier coup au paradis, directement, ou soit que avant d'y entrer, il va devoir passer par le châtiment pour pouvoir être purifié de ses péchés. Puis une fois qu'il a été purifié de ses péchés, il entrera au paradis par la suite. Donc c'est ça la réalité de ceux qui ont dit la ilaha illallah et qui l'ont appliqué, soit qu'ils vont rentrer directement au paradis, ou soit qu'ils vont rentrer mais après avoir été purifiés de leur péché par le châtiment de l'enfer ou le châtiment de la tombe, ou bien ils vont être purifiés d'une certaine façon par un châtiment quelconque que Allah va leur faire subir s'il veut, hein, par sa justice. Sinon, il va les faire rentrer au paradis directement. Mais ceux qui sont châtiés, ils ne vont pas y demeurer dans le châtiment éternellement, puisque leur tawhid les protège d'être éternellement en enfer. Donc tôt ou tard, ils vont rentrer au paradis. Naam. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Demain, on continuera la suite de l'explication de ces points-là, inshallah. Donc 35. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.